Attention, en aucun cas le docteur Xorgel ne pourrait être lié à l'élaboration de cette chanson, ni même à l'écriture de ses paroles. Le docteur Xorgel décline toute responsabilité et souhaite préciser qu'il n'apparaîtra jamais sur ce type de chanson. Ceci étant dit. Yeah! Steve, SLJ, les neurones HP! J'adore slammer dans tous les buissons, faire un sprint, sauter dans les cartons, rouler dans l'herbe et bouffer du gazon, au rez-de-chaussée, sauter du balcon. J'ai trop regardé la télévision, ça me donne tout le temps des idées à la con. Pas réfléchir, c'est vraiment trop bon. Comme ça au moins, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. Et puis aussi, je fais de la natation. J'y vais surtout pour faire le grand plongeon. Ce que je préfère, c'est nager au fond. Faire des bulles, me prendre pour un poisson. Des fois aussi, j'aime bien le reblochon. Surtout après les compètes de ski de fond. La tartiflette, c'est vraiment trop bon. Et c'est meilleur avec des lardons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. Sur le beat, rarement sérieux. On décoince de suite, on te met un coup de vieux. Toujours on s'applique à des trucs sérieux. Notre musique est magique, prends-la comme tu veux. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On chante des trucs, on chante des trucs, on chante des trucs bidons. On est où ici? Je crois que c'est un studio de zik.